En Islande, chapitre 20. Leonardo, le roi vous demande. Henrik, comment cela? Lope de Vega, la fuerza lastimosa. Devant quelques papiers épars sur son bureau, parmi lesquels on distingue des lettres nouvellement ouvertes, le général Levin de Knud paraît rêver profondément. Un secrétaire debout près de lui semble attendre ses ordres. Le général tantôt frappe de ses éperons le riche tapis qui s'étend sous ses pieds, tantôt joue d'un air distrait avec la décoration de l'éléphant suspendu à son cou par le collier de l'ordre. De temps en temps, il ouvre la bouche pour parler, puis s'arrête et se frotte le front et jette un nouveau coup d'œil sur les dépêches décachetées qui couvrent la table. « Comment diable ! » s'écrie-t-il enfin. Cette exclamation concluante est suivie d'un instant de silence. « Qui se serait jamais figuré, reprend-il, que ces démons de mineurs en viendraient là ? Il faut nécessairement que de secrètes instigations les aient poussés à cette révolte. Mais savez-vous, Pernet, que la chose est sérieuse? Savez-vous que 500 à 600 coquins des îles Faroer, commandés par un certain vieux bandit nommé Jonas, ont déjà déserté leur mine? Qu'un jeune fanatique appelé Norbit s'est également mis à la tête des mécontents de Gubbronschal? Cachen Moer, à Upfalo, à Kongsberg, ces mauvaises têtes qui n'attendaient qu'un signal, sont déjà peut-être soulevées. Savez-vous que les montagnards s'en mêlent, et qu'un des plus hardis renards de col, le vieux Kennyball, les commande? Savez-vous enfin que d'après un bruit général dans le nord de Trondheimus, s'il faut en croire les syndics qui m'écrivent, ce fameux scélérat dont nous avons fait mettre la tête à prix, le formidable Han, dirige en chef l'insurrection. Que direz-vous de tout cela, mon cher Wapernay? Hein? Votre Excellence, dit Wapernay, sait quelle mesure... Il y a encore dans cette déplorable affaire une circonstance que je ne puis m'expliquer. C'est que notre prisonnier Schumacher soit, comme on le prétend, l'auteur de la révolte. C'est ce qui semble n'étonner personne, et c'est enfin ce qui m'étonne le plus. Il me paraît difficile qu'un homme près duquel se plaisait mon loyal ordinaire soit un traître. Cependant, les mineurs, assure-t-on, se lèvent en son nom. Son nom est leur mot d'ordre, leur cri de ralliement. Il lui donne même les titres dont le roi l'a privé. Tout cela semble certain. Comment se fait-il que la comtesse d'Allefeld connût déjà tous ces détails? Il y a 6 jours, au moment où les premiers symptômes réels de l'insurrection se manifestaient à peine dans les mines. Cela est étrange. N'importe, il faut pourvoir à tout. Donnez-moi mon sceau, Wapernay. Le général écrivit 3 lettres, les scella et les remit au secrétaire. Faites tenir ces messages au baron Voetholm, colonel des arquebusiers, actuellement en garnison à Munkholm, afin que son régiment marche en hâte aux révoltés. Voici pour le commandant de Munkholm un ordre de veiller plus soigneusement que jamais sur l'ex-grand chancelier. Il faudra que je voie et que j'interroge moi-même ce Schumacher. Enfin, envoyez cette lettre à Skongen, au major Wolm, qui y commande, afin qu'il dirige une partie de la garnison vers le foyer de l'insurrection. Allez, Wapernay, et qu'on exécute promptement ses ordres. » Le secrétaire sortit, laissant le gouverneur plongé dans ses réflexions. « Tout cela est fort inquiétant, pensait-il. Ces mineurs révoltés là-bas, cette intrigante chancelière ici, ce fou d'ordinaire, on ne sait où. Peut-être il voyage au milieu de tous ces bandits, laissant ici sous ma protection ce Schumacher qui conspire contre l'État, et sa fille, pour la sûreté de laquelle j'ai eu la bonté d'éloigner la compagnie où se trouve ce Frédéric Allefeld, qu'ordinaire accuse. Eh, mais il me semble que cette compagnie pourra bien arrêter les premières colonnes des insurgés, Elle est bien placée pour cela. Wallström, où elle tient garnison, est près du lac de Smiassen et de la ruine d'Arbar. C'est un des points que la révolte gagnera nécessairement. À cet endroit de sa rêverie, le général fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. « Eh bien, que voulez-vous, Gustave ?»« Mon général, c'est un messager qui demande votre excellence. »« Allons, qu'est-ce encore ? Quelque désastre ! Faites entrer ce messager !» Le messager, introduit, remit un paquet au gouverneur. « Votre excellence, dit-il, c'est de la part de sa sérénité le vice-roi. » Le général ouvrit précipitamment la dépêche. « Par Saint-Georges ! » s'écria-t-il avec un mouvement de surprise. « Je crois qu'ils sont tous fous. Ne voilà-t-il pas le vice-roi qui m'invite à me rendre près de lui, à Bergen ?»« C'est, dit-il, pour une affaire pressante, d'après l'ordre du roi. » « Voilà une affaire pressante qui choisit bien son moment. » Le grand chancelier, qui visite actuellement le Drautheimus, suppléera à votre absence. « C'est un suppléant auquel je ne me fie guère. » « L'évêque l'assistera. » En vérité, Frédéric choisit là de bons gouverneurs pour un pays révolté. Deux hommes de robe, un chancelier et un évêque. Allons, cependant, l'invitation est expresse. C'est l'ordre du roi. Il faut s'y rendre. Mais avant mon départ, je veux voir Schumacher et l'interroger. Je sens bien qu'on veut m'engloutir dans un chaos d'intrigues. Mais j'ai pour me diriger une boussole qui ne me trompe jamais. C'est ma conscience. Chapitre 21. Il semble que tout prenne une voie pour l'accuser de son crime. Cain. Tragédie. Oui, seigneur comte, c'est aujourd'hui même, dans la ruine d'Arbar, que nous pourrons le rencontrer. Une foule de circonstances me font croire à la vérité de ce renseignement précieux, que j'ai recueilli hier soir par hasard, comme je vous l'ai conté, dans le village d'Oelmoe. Sommes-nous loin de cette ruine d'Arbar? Mais c'est auprès du lac de Smiassen. Le guide m'a assuré que nous y serions avant le milieu du jour. Ainsi s'entretenaient deux personnages à cheval et enveloppés de manteaux bruns, lesquels suivaient de grand matin une de ces 1000 routes sinueuses et étroites qui traversent en tous sens la forêt située entre les lacs de Smiassen et de Sparbo. Un guide des montagnes, muni de sa trompe et armé de sa hache, les précédait sur son petit cheval gris, et derrière eux marchaient quatre autres cavaliers armés jusqu'aux dents, vers lesquels ces deux personnages tournaient de temps en temps la tête, comme s'ils craignaient d'en être entendus. Si ce brigand islandais se trouve en effet dans la ruine d'Arbar, disait celui des deux interlocuteurs, dont la monture se tenait respectueusement un peu en arrière de l'autre, c'est un grand point de gagner, car le difficile était de rencontrer cet être insaisissable. Vous croyez, muse d'Oémon, et s'il allait rejeter nos offres? Impossible, votre grâce! De l'or et l'impunité, quel brigand résisterait à cela? Mais vous savez que ce brigand n'est pas un scélérat ordinaire. Ne le jugez donc pas à votre mesure. S'il refusait, comment rempliriez-vous la promesse que vous avez faite dans la nuit d'avant-hier aux trois chefs de l'insurrection? Eh bien, noble comte, dans ce cas, que je regarde comme impossible, si nous avons le bonheur de trouver notre homme, votre grâce a-t-elle oublié qu'un faux an d'Islande m'attend dans 2 jours à l'heure fixée, au lieu du rendez-vous assigné aux trois chefs, à l'Étoile Bleue, endroit d'ailleurs assez voisin de la ruine d'Arbar? Vous avez raison, toujours raison, mon cher Mouesdouémon, dit le noble comte. Et ils retombèrent tous deux dans leur cercle particulier de réflexion. Mouesdouémon, dont l'intérêt était de tenir le maître en bonne humeur, fit, pour le distraire, une question au guide. Brave homme, quelle est cette espèce de croix de pierre dégradée qui s'élève là-haut derrière ces jeunes chênes? Le guide, homme au regard fixe, à la mine stupide, tourna la tête, et la secoua à plusieurs reprises en disant « Oh, seigneur maître, c'est la plus vieille potence de Norvège. Le saint roi Olaus la fit construire pour un juge qui avait fait un pacte avec un brigand. » Mus Duemon aperçut sur le visage de son patron une impression toute contraire à celle qu'il espérait des paroles simples du guide. « Ce fut, poursuivit celui-ci, une histoire bien singulière. La bonne mère Osie me l'a contée. Le brigand fut chargé de pendre le juge. » Le pauvre guide ne s'apercevait pas, dans sa naïveté, que l'aventure dont il voulait égayer ses voyageurs était presque un outrage pour eux. Mus Duemon l'arrêta. « Assez, assez, lui dit-il. Nous connaissons cette histoire. » « L'insolent, murmura le comte. Il connaît cette histoire. Mus Duemon, tu me paieras cher tes impudences. » « Sa grâce ne parle-t-elle pas ? » dit Mus Duemon d'un air obséquieux. « Je pensais au moyen de vous faire enfin obtenir l'ordre de Dannebrog. Le mariage de ma fille Ulrique et du baron Ordenaire sera une bonne occasion. » Mus Duemon se confondit en protestations et en remerciements. « À propos, reprit sa grâce, parlons de nos affaires. Croyez-vous que l'ordre de rappel momentané que nous lui destinons soit parvenu aux Mecklembourgeois ? » Le lecteur se rappelle peut-être que le comte avait l'habitude de désigner sous ce nom le général Levin de Knud, qui était en effet natif de Mecklembourg. « Parlons de nos affaires, » se dit intérieurement Mus Duemon choqué. « Il paraît que mes affaires ne sont pas nos affaires. » « Seigneur comte, répondit-il à haute voix, je pense que le messager du vice-roi doit être en ce moment à Trondheim, et qu'ainsi le général Levin n'est pas loin de son départ. » Le comte prit une voix affectueuse. « Ce rappel, mon cher, est un de vos coups de maître. C'est une de vos intrigues les mieux conçues et les plus habilement exécutées. » « L'honneur en appartient à sa grâce, autant qu'à moi, » répliqua Mus Duemon. Soigneux, comme nous l'avons déjà dit, de mêler le comte à toutes ses machinations. Le patron connaissait cette pensée secrète de son confident, mais il voulait paraître l'ignorer. Il se mit à sourire. « Mon cher secrétaire intime, vous êtes toujours modeste, mais rien ne me fera méconnaître vos éminents services. » La présence d'Elpège et l'absence du Mecklembourgeois assurent mon triomphe à Drontheim. Me voici le chef de la province, et si Andisland accepte le commandement des révoltés, que je veux lui offrir moi-même, c'est à moi que reviendra, aux yeux du roi, la gloire d'avoir apaisé cette inquiétante insurrection et pris ce formidable brigand. Il parlait ainsi à voix basse, quand le guide se retourna. « Messeigneurs maîtres, dit-il, voici à notre gauche le monticule sur lequel Bjord le Juste fit décapiter, aux yeux de son armée, Velon à la langue double, ce traître qui avait éloigné les vrais défenseurs du roi et appelé l'ennemi dans le camp pour paraître avoir seul sauvé les jours de Bjord. » Tous ces souvenirs de la vieille Norvège ne semblèrent pas du goût de Mus Duemon, car il interrompit brusquement le guide. « Allons, allons, bonhomme, taisez-vous, et continuez votre chemin sans vous détourner. Que nous importe ce que des masures ruinées ou des arbres morts vous rappellent de sottes aventures. Vous importunez mon maître avec vos contes de vieilles femmes. » Chapitre 22. Voici l'heure où le lion rugit, où le loup hurle à la lune, tandis que le laboureur ronfle, épuisé de sa pénible tâche. Maintenant, les tisons consumés brillent dans le foyer. La chouette, poussant son cri sinistre, rappelle au malheureux, couché dans les douleurs, le souvenir d'un drap funèbre. Voici le temps de la nuit, où les tombeaux, tous entr'ouverts, laisse échapper chacun son spectre qui va errer dans les sentiers des cimetières. Shakespeare, Le songe d'été. Retournons sur nos pas. Nous avons laissé Ordener et Spiagudry, gravissant avec assez de peine, au lever de la lune, la croupe du rocher courbé d'Oelmoe. Ce rocher, chauve à l'origine de sa courbure, était appelé alors par les paysans norvégiens le « coup de vautour », dénomination qui représente en effet assez bien la figure qu'offre de loin cette masse énorme de granit. À mesure que nos voyageurs s'élevaient vers la partie nue du rocher, la forêt se changeait en bruyère, les mousses succédaient aux herbes. Les églantiers sauvages, les genêts, les houx, aux chênes et aux bouleaux. Appauvrissement de végétation qui, sur les hautes montagnes, indique toujours la proximité du sommet, en annonçant l'amincissement graduel de la couche de terre dont ce qu'on pourrait appeler l'ossement du mont est revêtu. « Seigneur Ordener, disait Spiagudry, dont l'esprit mobile était comme sans cesse entraîné dans un tourbillon d'idées diverses. « Cette pente est bien fatigante, et pour vous avoir suivi, il faut tout le dévouement. Mais il me semble que je vois là, à droite, un magnifique convolvulus. Je voudrais bien pouvoir l'examiner. Pourquoi ne fait-il pas grand jour? Savez-vous que c'est une chose bien impertinente que d'évaluer un savant tel que moi, 4 méchants écus? Il est vrai que le fameux Phèdre était esclave, et qu'Ésope, si nous en croyons le docte Planude, fut vendu dans une foire comme une bête ou une chose, et qui ne serait fier d'avoir un rapport quelconque avec le grand Ésope. Et avec le célèbre An, ajouta Ordener en souriant. Par Saint-Hospice, répondit le concierge, ne prononcez pas ce nom ainsi. Je me passerai bien, je vous jure, Seigneur, de cette dernière conformité. Mais ne serait-ce pas une chose singulière que le prix de sa tête revint à Béninus Spiagudry, son compagnon d'infortune? Seigneur Ordener, vous êtes plus noble que Jason, qui ne donna pas la toison d'or au pilote d'Argo. Et certes, votre entreprise, dont je ne devine pas positivement le but, n'est pas moins périlleuse que celle de Jason. Mais, dit Ordener, puisque vous connaissez Andisland, donnez-moi donc quelques détails sur lui. Vous m'avez déjà appris que ce n'est pas un géant, comme on le croit le plus communément. Spiagudry l'interrompit. Arrêtez, maître. N'entendez-vous point un bruit de pas derrière nous? Oui, répondit tranquillement le jeune homme. Ne vous alarmez pas, c'est quelque bête fauve que notre approche effarouche et qui se retire en froissant les alliés. Vous avez raison, mon jeune César. Il y a si longtemps que ces bois n'ont vu d'êtres humains. Si l'on en juge à la pesanteur des pas, l'animal doit être gros. C'est un élan ou un renne. Cette partie de la Norvège en est peuplée. On y trouve aussi des chapards. J'en ai vu un, entre autres, qu'on avait amené à Copenhague. Il était d'une grandeur monstrueuse. Il faut que je vous fasse la description de ce féroce animal. « Mon cher guide, dit Ordener, j'aimerais mieux que vous me fissiez la description d'un autre monstre non moins féroce, de cet horrible An. Baissez la voix, seigneur. Comme le jeune maître prononce paisiblement un tel nom, vous ne savez pas. Dieu, Seigneur, écoutez. » Spiagudry se rapprocha en disant ces mots. D'Ordener, qui venait d'entendre en effet, très distinctement, un cri pareil à l'espèce de rugissement qui, si le lecteur se le rappelle, avait si fort effrayé le timide concierge dans cette soirée orageuse où ils avaient quitté Drontheim. « Avez-vous entendu ?» murmura celui-ci tout haletant de crainte. « Sans doute, dit Ordener, et je ne vois pas pourquoi vous tremblez. C'est un hurlement de bête sauvage. Peut-être tout simplement le cri d'un de ces chapards dont vous parliez tout à l'heure. Comptiez-vous traverser à cette heure un pareil endroit sans être averti en rien de la présence des hôtes que vous troublez? Je vous proteste, vieillard, qu'ils sont plus effrayés encore que vous. » Spiagudry, en voyant le calme de son jeune compagnon, se rassura un peu. « Allons, il pourrait bien se faire, seigneur, que vous eussiez encore raison. Mais ce cri de bête ressemble horriblement à une voix. Vous avez été fâcheusement inspiré. Souffrez que je vous le dise, Seigneur, de vouloir monter à ce château de Vermund. Je crains qu'il ne nous arrive malheur sur le coup de vos tours. Ne craignez rien tant que vous serez avec moi, répondit Ordener. Rien ne vous alarme, mais, Seigneur, il n'y a que le bienheureux saint Paul qui puisse prendre des vipères sans se blesser. Vous n'avez seulement pas remarqué, quand nous sommes entrés dans ce maudit sentier, qu'il paraissait frayé depuis peu, et que les herbes foulées n'avaient même pas eu le temps de se relever depuis qu'on y avait passé. J'avoue que tout cela me frappe peu, et que le calme de mon esprit ne dépend pas du plus ou moins de courbure d'un brin d'herbe. Voici que nous allons quitter la bruyère. Nous n'entendrons plus de pas ni de cris de bête. Je ne vous dirai donc plus, mon brave guide, de rassembler votre courage, mais de ramasser vos forces, car le sentier, taillé dans le roc, sera sans doute plus difficile que celui-ci. Ce n'est pas, Seigneur, qu'il soit plus escarpé, mais le savant voyageur Suxon compte qu'il est souvent embarrassé d'éclats de roches ou de lourdes pierres qu'on ne peut soulever et qu'il n'est pas aisé de franchir. Il y a, entre autres, un peu au-delà de la poterne de Malaer, dont nous approchons, un énorme bloc triangulaire de granit que j'ai toujours vivement désiré voir. Schoening affirme y avoir retrouvé les trois caractères runiques primitifs. Il y avait déjà quelque temps que les voyageurs gravissaient la roche nue. Ils atteignirent une petite tour écroulée à travers laquelle il fallait passer et que Spiagudry fit remarquer à Ordener. C'est la poterne de Malaer, Seigneur. Ce chemin creusé à vif présente plusieurs autres constructions curieuses qui montrent quelles étaient les anciennes fortifications de nos manoirs norvégiens. Cette poterne, qui était toujours gardée par 4 hommes d'armes, était le premier ouvrage avancé du fort de Vermund. À propos de porte ou de poterne, le moine Urantius fait une remarque singulière. Le mot Janua, qui vient de Janus, dont le temple avait des portes si célèbres, n'a-t-il pas engendré le mot janissaire, gardien de la porte du sultan? Il serait assez curieux que le nom du prince le plus doux de l'histoire eût passé aux soldats les plus féroces de la terre. Au milieu de tout le fatras scientifique du concierge, ils avançaient assez péniblement sur des pierres roulantes et des cailloux tranchants, mêlés de ce gazon court et glissant qui croît quelquefois sur les rochers. Ordener oubliait la fatigue en songeant au bonheur de revoir ce Munkholm si éloigné. Tout à coup, Spiagudry s'écria « Ah, je l'aperçois !» Cette seule vue me dédommage de toute ma peine. « Je la vois, Seigneur, je la vois !»« Qui donc ?» dit Ordener, qui pensait en ce moment à son ételle. « Eh, Seigneur, la pyramide triangulaire dont parle Schoening !» Je serai, avec le professeur Schoening et l'évêque Isleif, le troisième savant qui aura eu le bonheur de l'examiner. Seulement, il est fâcheux que ce ne soit qu'au clair de lune. En approchant du fameux bloc, Spiagudry poussa un cri de douleur et d'épouvante à la fois. Ordener, surpris, s'informa avec intérêt du nouveau sujet de son émotion. Mais le concierge archéologue fut quelque temps avant de pouvoir lui répondre. « Vous croyez, disait Ordener, que cette pierre barrait le chemin. Vous devez, au contraire, reconnaître avec plaisir qu'elle le laisse parfaitement libre. » « Mais c'est justement ce qui me désespère, » dit Béninus d'une voix lamentable. « Comment ? » ?»« Quoi, Seigneur ? » reprit le concierge. « Ne voyez-vous pas que cette pyramide a été dérangée de sa position ? Que la base, qui était assise sur le sentier, est maintenant exposée à l'air, tandis que le bloc est précisément appuyé contre terre, sur la face où Schoening avait découvert les caractères runiques primordiaux. Je suis bien malheureux. » « C'est joué de malheur, en effet, » dit le jeune homme. « Et ajoutez à cela, » reprit vivement Spiagudry, « que le dérangement de cette masse prouve ici la présence de quelque être surhumain, à moins que ce ne soit le diable. Il n'y a en Norvège qu'un seul homme dont le bras puisse... Mon pauvre guide, vous revenez encore à vos terreurs paniques. Qui sait si cette pierre n'est pas ainsi depuis plus d'un siècle ? Il y a 150 ans, à la vérité, dit Spiagudry d'une voix plus calme, que le dernier observateur l'a étudiée. Mais il me semble qu'elle est fraîchement remuée. La place qu'elle occupait est encore humide. Voyez, seigneur. Ordener, impatient d'arriver aux ruines, arracha son guide d'auprès de la pyramide merveilleuse et parvint, par de sages paroles, à dissiper les nouvelles craintes que cet étrange déplacement avait inspirées au vieux savant. « Écoutez, vieillard, vous pourrez vous fixer au bord de ce lac et vous livrer à votre aise à vos importantes études, quand vous aurez reçu les 1000 écus royaux que vous rapportera la tête de Han. » « Vous avez raison, noble seigneur, mais ne parlez pas si légèrement d'une victoire bien douteuse. Il faut que je vous donne un conseil pour que vous vous rendiez plus aisément maître du monstre. » Ordener se rapprocha vivement de Spiagudry. « Un conseil ? Lequel ?»« Le brigand, » dit celui-ci à voix basse et en jetant des regards inquiets autour de lui. Le brigand porte à sa ceinture un crâne dans lequel il a coutume de boire. Ce crâne est le crâne de son fils, dont le cadavre est celui pour la profanation duquel je suis poursuivi. Haussez un peu la voix et ne craignez rien, je vous entends à peine. Eh bien, ce crâne ? C'est de ce crâne, dit Spiagudry en se penchant à l'oreille du jeune homme, qu'il faut tâcher de vous emparer. Le monstre y attache je ne sais quelles idées superstitieuses. Quand le crâne de son fils sera en votre pouvoir, vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Cela est bien, mon brave homme, mais comment s'emparer de ce crâne? Par la ruse, seigneur, pendant le sommeil du monstre, peut-être. Ordener l'interrompit. Il suffit. Votre bon conseil ne peut me servir. Je ne dois pas savoir si un ennemi dort. Je ne connais pour combattre que mon épée. Seigneur, seigneur, il n'est pas prouvé que l'archange Michel n'ait pas usé de ruse pour terrasser Satan. Ici, Spiagudry s'arrêta tout à coup et étendit ses deux mains devant lui en s'écriant d'une voix presque éteinte. « Ô ciel, ô ciel, qu'est-ce que je vois là-bas ? Voyez, maître, n'est-ce pas un petit homme qui marche dans ce même sentier devant nous ? « Ma foi, » dit Ordener en levant les yeux, « je ne vois rien. »« Rien, seigneur ? » ?»« En effet, le sentier tourne, et il a disparu derrière ce rocher. »« N'allons pas plus loin, seigneur, je vous en conjure. » »« En vérité, si ce personnage prétendu a si vite disparu, cela n'annonce pas qu'il ait l'intention de nous attendre. Et s'il fuit, ce n'est pas une raison pour nous de fuir. » « Veille sur nous, saint Olpice !» dit Spiagudry, qui, dans toutes les occasions périlleuses, se souvenait de son patron favori. « Vous aurez pris, » ajouta Ordener, « l'ombre mouvante d'une chouette effrayée, pour un homme. » « J'ai pourtant bien cru voir un petit homme. Il est vrai que le clair de lune produit souvent des illusions singulières. » C'est à cette lumière que Baldan, sire de Merneux, prit le rideau blanc de son lit pour l'ombre de sa mère, ce qui le décida à aller le lendemain déclarer son parricide au juge de Christiania, qui allait condamner le page innocent de la défunte. Ainsi, l'on peut dire que le clair de lune a sauvé la vie à ce page. Personne n'oubliait mieux que Spiagudry le présent dans le passé. Un souvenir de sa vaste mémoire suffisait pour bannir toutes les impressions du moment. Aussi, l'histoire de Baldan dissipa-t-elle sa frayeur. Il reprit d'une voix tranquille. « Il est possible que le clair de lune m'ait trompé de même. » Cependant, ils atteignaient le sommet du Coup de Vautour et commençaient à revoir le faîte des ruines que la courbure du rocher leur avait caché pendant qu'ils montaient. Que le lecteur ne s'étonne pas si nous rencontrons souvent des ruines à la cime des monts de Norvège. Quiconque a parcouru des montagnes en Europe n'aura pas manqué de remarquer fréquemment des restes de forts et de châteaux suspendus à la crête des pics les plus élevés, comme d'anciens nids de vautours ou des aires d'aigles morts. En Norvège, surtout, au siècle où nous nous sommes transportés, ces sortes de constructions aériennes étonnaient autant par leur variété que par leur nombre. C'était tantôt de longues murailles démantelées, se roulant en ceinture autour d'un roc, tantôt des tourelles grêles et aiguës surmontant la pointe d'un pic, comme une couronne. Ou, sur la tête blanche d'une haute montagne, de grosses tours groupées autour d'un grand donjon et présentant de loin l'aspect d'une vieille tiare. On voyait, près des frêles arcades ogives d'un cloître gothique, les lourds piliers égyptiens d'une église saxonne. Près de la citadelle à tours carrées d'un chef païen, la forteresse à créneaux d'un sire chrétien. Près d'un château fort ruiné par le temps, un monastère détruit par la guerre. Tous ces édifices, mélanges d'architecture singulière et presque ignorée aujourd'hui, construits hardiment sur des lieux en apparence inaccessibles, n'y avaient plus laissé que des débris, pour rendre en quelque sorte à la fois témoignage de la puissance et du néant de l'homme. Peut-être s'était-il passé dans leur enceinte bien des choses plus dignes d'être racontées que tout ce qu'on raconte à la terre. Mais les événements s'écoulent, les yeux qui les ont vus se ferment, les traditions s'éteignent avec les ans, comme un feu qu'on n'a point recueilli. Et qui pourrait ensuite pénétrer le secret des siècles? Le manoir de Vermund le Proscrit, où nos deux voyageurs arrivaient en ce moment, était un de ceux auxquels la superstition rattachait le plus d'histoires surprenantes et d'aventures miraculeuses. À ces murailles de cailloux noyées dans un ciment devenu plus dur que la pierre, on reconnaissait aisément qu'il avait été bâti vers le 5e ou le 6e siècle. De ces 5 tours, une seulement était encore debout, dans toute sa hauteur. Les 4 autres, plus ou moins dégradées et couvrant de leurs débris le sommet du rocher, étaient liées entre elles par des lignes de ruines, lesquelles indiquaient également les anciennes limites des cours dans l'enceinte du château. Il était très difficile de pénétrer dans cette enceinte, obstruée de pierres, de quartiers de rochers et d'arbustes de toute espèce, qui, rampant de ruine en ruine, surmontaient de leurs touffes les murailles tombées, ou laissaient pendre jusque dans le précipice leurs longs bras flexibles. C'est à ces tresses de rameaux que venaient souvent, disait-on, se balancer au clair de lune des âmes bleuâtres, esprits coupables de ceux qui s'étaient volontairement noyés dans le sparbot, ou que le farfadé du lac attachait le nuage qui devait le ramener au lever du soleil. Mystères effrayants, dont avaient été plus d'une fois témoins de hardis pêcheurs, quand, pour profiter du sommeil des chiens de mer, footnote, les chiens de mer sont redoutés des pêcheurs parce qu'ils effraient les poissons. Ils osaient la nuit pousser leur barque jusque sous le rocher d'Oelmoe, qui s'arrondissait dans l'ombre, au-dessus de leur tête, comme l'arche rompue d'un pont gigantesque. Nos deux aventuriers franchirent, non sans peine, la muraille du manoir, à travers une crevasse, car l'ancienne porte était encombrée de ruines. La seule tour, qui, ainsi que nous l'avons dit, fut restée debout, était située à l'extrémité du rocher. C'était, dit Spiagudry à Ordener, celle du sommet de laquelle on apercevait le fanal de Munkholm. Ils s'y dirigèrent, quoique l'obscurité fût en ce moment complète. La lune était entièrement cachée par un gros nuage noir. Ils allaient gravir la brèche d'un autre mur pour pénétrer dans ce qui avait été la seconde cour du château, quand Béninus s'arrêta tout court et saisit brusquement le bras d'Ordener d'une main qui tremblait si fort que le jeune homme lui-même en était ébranlé. « Quoi donc ? » dit Ordener surpris. Béninus, sans répondre, pressa son bras plus vivement encore, comme pour lui demander du silence. « Mais reprit le jeune homme. Une nouvelle pression, accompagnée d'un gros soupir mal étouffé, le décida à attendre patiemment que ce nouvel effroi fût passé. Enfin, Spiagudry, d'une voix oppressée, « Eh bien, maître, qu'en dites-vous ? » « De quoi ? » dit Ordener. « Oui, seigneur, » continua l'autre du même ton, « vous vous repentez bien maintenant d'être monté ici. » « Non, en vérité, mon brave guide, j'espère bien monter plus haut encore. Pourquoi voulez-vous que je m'en repente ?»« Comment, seigneur, vous n'avez donc point vu ?»« Vu ? Quoi ?»« Vous n'avez point vu ?» répéta l'honnête concierge avec un accès toujours croissant de terreur. « Mais non, vraiment !» répondit Ordener d'un ton d'impatience. « Je n'ai rien vu, et je n'ai entendu que le bruit de vos dents que la peur faisait claquer violemment. » « Quoi ? Là, derrière ce mur, dans l'ombre, ces deux yeux flamboyants comme des comètes qui se sont fixés sur nous, vous ne les avez point vus ?»« En honneur, non. » « Vous ne les avez point vus errer, monter, descendre et disparaître enfin dans les ruines ?» Je ne sais ce que vous voulez dire. Qu'importe, d'ailleurs. Comment, seigneur Ordener, savez-vous qu'il n'y a en Norvège qu'un seul homme dont les yeux rayonnent ainsi dans les ténèbres? Allons, qu'importe encore. Quel est donc cet homme aux yeux de chat? Est-ce en votre formidable Islandais? Tant mieux s'il est ici. Cela nous épargnera le voyage de Vaderhog. Ce « tant mieux » n'était point du goût de Spiagudry, qui ne put s'empêcher de révéler sa pensée secrète par cette exclamation involontaire. « Ah, seigneur, vous m'aviez promis de me laisser au village de Surbe, à 1 mille du lieu du combat !» Le bon et noble Ordener comprit et sourit. « Vous avez raison, vieillard, il serait injuste de vous mêler à mes dangers. Ne craignez donc rien. Vous voyez ce Handisland partout. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir dans ces ruines quelque chat sauvage dont les yeux soient aussi brillants que ceux de cet homme ? » Pour la 5e fois, Spiagudry parvint à se rassurer. Soit que l'explication d'Ordener lui parut en effet naturelle, soit que la tranquillité de son jeune compagnon eut quelque chose de contagieux. « Oh, seigneur, sans vous, je serais 10 fois mort de peur en gravissant ces roches. » Il est vrai que, sans vous, je ne l'aurais pas tenté. La lune, qui reparut, leur laissa voir l'entrée de la plus haute tour au bas de laquelle ils étaient parvenus. Ils y pénétrèrent en soulevant un épais rideau de lierre qui fit pleuvoir sur eux des lézards endormis et de vieux nids d'oiseaux funèbres. Le concierge ramassa 2 cailloux qu'il choqua en laissant tomber les étincelles sur un tas de feuilles mortes et de branches sèches recueillies par Ordener. En peu d'instants, une flamme claire s'éleva, et, dissipant les ténèbres qui les entouraient, elle leur permit d'observer l'intérieur de la tour. Il n'en restait plus que la muraille circulaire, qui était très épaisse et revêtue de lierre et de mousse. Les plafonds de ces 4 étages s'étaient successivement écroulés au rez-de-chaussée, où il formait un amas énorme de décombres. Un escalier étroit et sans rampe, rompu en plusieurs endroits, tournait en spirale sur la surface intérieure de la muraille, au sommet de laquelle il aboutissait. Au premier pétillement du feu, une nuée de chats-huants et d'or frais s'envolèrent lourdement, avec des cris étonnés et lugubres, et de grandes chauves-souris vinrent par intervalles effleurer la flamme de leurs ailes couleur de cendre. « Voici des hôtes qui ne nous reçoivent pas très gaiement, » dit Ordener. « Mais n'allez pas vous effrayer encore. » « Moi, seigneur, » reprit Spiagudry en s'asseyant près du feu, « moi, craindre un hibou ou une chauve-souris, je vivais avec des cadavres et je ne craignais pas les vampires. » Ah, je ne redoute que les vivants. Je ne suis pas brave, j'en conviens, mais je ne suis pas superstitieux. Tenez, si vous m'en croyez, seigneur, rions de ces dames aux ailes noires et aux champs rauques, et songeons à souper. Ordener ne songeait qu'à Munkholm. J'ai bien là quelques provisions, dit Spiagudry en tirant son havresac de dessous son manteau. « Mais si votre appétit égale le mien, ce pain noir et ce fromage rance auront bientôt disparu. Je vois que nous serons obligés de rester encore fort loin des limites de la loi du roi français Philippe le Bel. Nemo audeat comedere praeter duo fercula cum potagio. Il doit bien y avoir au sommet de cette tour des nids de mouettes ou de faisans. Mais comment y arriver par un escalier branlant qui ne pourrait tout au plus porter que des sylphes ?»« Cependant, reprit Ordener, il faudra bien qu'il me porte, car je monterai certainement au faîte de cette tour. »« Quoi, maître, pour avoir des nids de mouettes ? Ne faites pas de grâce cette imprudence. Il ne faut pas se tuer pour mieux souper. » « Songez d'ailleurs que vous pourriez vous tromper et prendre des nids de chat-huant. »« C'est bien de vos nids que je m'embarrasse. Ne m'avez-vous pas dit que du haut de cette tour, on apercevait le donjon de Munkholm ?»« Cela est vrai, jeune maître. Au sud, je vois bien que le désir de fixer ce point important pour la science géographique a été le motif de ce fatigant voyage au château de Vermund. » Mais daignez réfléchir, noble seigneur Ordener, que le devoir d'un savant zélé peut être quelquefois de braver la fatigue, mais jamais le danger. Je vous en supplie, ne tentez pas cette méchante ruine d'escalier sur laquelle un corbeau n'oserait se percher. Béninus ne se souciait nullement de rester seul dans le bas de la tour. Comme il se levait pour prendre la main d'Ordener, son havresac, placé sur les pointes de ses genoux, tomba dans les pierres et rendit un son clair. « Qu'est-ce donc qui résonne ainsi dans ce havresac ? » demanda Ordener. Cette question, sur un point si délicat pour Spiagudry, lui ôta l'envie de retenir son jeune compagnon. « Allons, dit-il sans répondre à la question, puisque, malgré mes prières, vous vous obstinez à monter au haut de cette tour, « prenez garde aux crevasses de l'escalier. »« Mais, reprit Ordener, qu'y a-t-il donc dans votre havresac pour lui faire rendre ce son métallique ?» Cette insistance indiscrète déplut souverainement au vieux gardien qui maudit le questionneur du fond de l'âme. « Eh, noble maître, répondit-il, comment pouvez-vous vous occuper d'un méchant plat à barbe de fer qui retentit contre un caillou ?» Puisque je ne puis vous fléchir, se hâta-t-il d'ajouter, ne tardez pas à redescendre, et ayez soin de vous tenir aux lières qui tapissent la muraille. Vous verrez le fanal de Munkholm entre les deux escabelles de Frige, au midi. Spiagudry n'aurait rien pu dire de plus adroit pour bannir toute autre idée de l'esprit du jeune homme. Ordener, se débarrassant de son manteau, s'élança vers l'escalier, sur lequel le concierge le suivit des yeux, jusqu'à ce qu'il ne le vit plus que glisser comme une ombre vague au plus haut de la muraille, à peine éclairée à son sommet par la lueur agitée du foyer et le reflet immobile de la lune. Alors, se rasseyant et ramassant son havresac, « Mon cher Béninus Spiagudry, dit-il, pendant que ce jeune lynx ne vous voit pas et que vous êtes seul, hâtez-vous de briser l'incommode enveloppe de fer qui vous empêche de prendre possession, aux coulisses et manues, du trésor renfermé sans doute dans cette cassette. Quand il sera délivré de cette prison, il sera moins lourd à porter et plus aisé à cacher. » Déjà, armé d'une grosse pierre, il s'apprêtait à briser le couvercle du coffre quand un rayon de lumière tombant sur le seau de fer qui le fermait arrêta tout à coup le concierge antiquaire. « Par Saint-Vilbrode le numismate, je ne me trompe pas » s'écriait-il en frottant vivement le couvercle rouillé. « Ce sont bien là les armes de Grimfenfeld. J'allais faire une grande folie de rompre ce sceau. Voilà peut-être le seul modèle qui reste de ces armoiries fameuses, brisées en 1676 par la main du bourreau. Diable, ne touchons pas à ce couvercle. Quelle que soit la valeur des objets qu'il cache, à moins que, contre toute probabilité, ce ne soit des monnaies de Palmyre ou des médailles carthaginoises, il est certainement plus précieux encore. Me voici donc seul propriétaire des armes, maintenant aboli, de Grimfenfeld. Cachons soigneusement ce trésor. Aussi bien je trouverai peut-être quelques secrets pour ouvrir la cassette, sans commettre de vandalisme. Les armoiries de Grimfenfeld. Oh oui, voilà bien la main de justice, la balance sur champ de gueule. Quel bonheur! À chaque nouvelle découverte héraldique qu'il faisait en dérouillant le vieux cachet, il poussait un cri d'admiration ou une exclamation de contentement. Au moyen d'un dissolvant, j'ouvrirai la serrure sans briser le sceau. Ce sont sans doute les trésors de l'ex-chancelier. Si quelqu'un, tenté par l'appât des 4 écus syndicaux, me reconnaît et m'arrête, il ne me sera pas difficile de me racheter. Ainsi, cette bienheureuse cassette m'aura sauvé. En parlant ainsi, son regard se leva machinalement. Tout à coup, son visage grotesque passa en un clin d'œil de l'expression d'une joie folle à celle d'une terreur stupide. Tous ses membres tremblèrent convulsivement, ses yeux devinrent fixes, son front se rida, sa bouche demeura béante et sa voix s'éteignit dans son gosier comme une lumière qu'on souffle. En face de lui, de l'autre côté du foyer, un petit homme était debout, les bras croisés. À ses vêtements de peau ensanglantés, à sa hache de pierre, à sa barbe rousse et à ce regard dévorant fixé sur lui, le malheureux concierge avait reconnu du premier coup d'œil l'effrayant personnage dont il avait reçu la dernière visite au Splatgeist de Trondheim. « C'est moi !» dit le petit homme d'un air terrible. « Cette cassette t'aura sauvé ?» ajouta-t-il avec un affreux sourire ironique. « Spiagudry, est-ce ici le chemin de Troctri ?» L'infortuné essaya d'articuler quelques paroles. « Troctri, seigneur, mon seigneur maître, j'y allais. »« Tu allais à Walderog !» répondit l'autre d'une voix de tonnerre. Spiagudry, terrifié, ramassa toutes ses forces pour faire un signe de tête négatif. « Tu me conduisais un ennemi. Merci, ce sera un vivant de moins. Ne crains rien, fidèle guide, il te suivra. » Le malheureux gardien voulut pousser un cri et put à peine faire entendre un murmure vague et confus. « Pourquoi t'effraies-tu de ma présence? Tu me cherchais. Écoute, ne crie pas ou tu es mort. » Le petit homme agita sa hache de pierre au-dessus de la tête du concierge. Il poursuivit, d'une voix qui sortait de sa poitrine, comme le bruit d'un torrent sort d'une caverne. « Tu m'as trahi !»« Non, votre grâce, non, excellence !» dit enfin Béninus, pouvant à peine articuler ses paroles suppliantes. L'autre fit entendre comme un rugissement sourd. « Ah ! Tu voudrais me tromper encore. Ne l'espère plus. Écoute, j'étais sur le toit du Splatgeist quand tu as scellé ton pacte avec cet insensé. C'est moi dont tu as 2 fois entendu la voix. C'est moi que tu as encore entendu dans l'orage sur la route. C'est moi que tu as retrouvé dans la tour de Vigla. C'est moi qui t'ai dit « Au revoir ». Le concierge, épouvanté, jeta un regard égaré autour de lui comme pour appeler du secours. Le petit homme continua. « Je ne voulais pas laisser échapper ces soldats qui te poursuivaient. Ils étaient du régiment de Munkholm. Pour toi, je ne pouvais te perdre, Spiagudry. C'est moi que tu as revu au village d'Oelmoe sous ce feutre de mineur. C'est moi dont tu as entendu les pas et la voix, dont tu as reconnu les yeux en montant à ces ruines. C'est moi !» Hélas, l'infortuné n'en était que trop convaincu. Il se roula à terre, aux pieds de son formidable juge, en s'écriant d'une voix déchirante et étouffée « Grâce !» Le petit homme, les bras toujours croisés, attachait sur lui un regard de sang, plus ardent que la flamme du foyer. « Demande ton salut à cette cassette dont tu l'attends !» dit-il ironiquement. « Grâce, Seigneur, grâce !» répéta le mourant Spiagudry. « Je t'avais recommandé d'être fidèle et muet. Tu n'as pu être fidèle. À l'avenir, je te proteste que tu seras muet. » Le concierge, entrevoyant l'horrible sens de ces paroles, poussa un long gémissement. « Ne crains rien, dit l'homme, je ne te séparerai pas de ton trésor. » À ces mots, dénouant sa ceinture de cuir, il la passa dans l'anneau de la cassette et la suspendit ainsi au cou de Spiagudry, qui fléchissait sous le poids. « Allons, reprit l'autre, quel est le diable auquel tu désires donner ton âme ? Hâte-toi de l'appeler, afin qu'un autre démon dont tu ne te soucierais pas ne s'en empare point avant lui. » Le désespéré vieillard, hors d'état de prononcer une parole, tomba aux genoux du petit homme en faisant mille signes de prière et d'épouvante. « Non, non, dit celui-ci. Écoute, fidèle Spiagudry, ne te désole pas de laisser ainsi ton jeune compagnon sans guide. Je te promets qu'il ira où tu vas. Suis-moi. Tu ne fais que lui montrer le chemin. Allons. » À ces mots, saisissant le misérable dans ses bras de fer, il l'emporta hors de la tour comme un tigre emporte une longue couleuvre. Et un moment après, il s'éleva dans les ruines un grand cri, auquel se mêla un effroyable éclat de rire.